À l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, se sont déroulés les 24 et 25 courants un rassemblement de célébration au Congo démocratique et un colloque en Angola. Les orateurs ont indiqué que sous la direction de Sung-un du maréchal Kim Jong-un, les jeunes coréens remplissent à merveille leurs responsabilités et rôles en tant qu'avant-garde de l'éducation d'une puissance socialiste et que la Corée, dirigée par les grands hommes Baek-sun, est le seul pays du monde qui a réglé parfaitement le problème des jeunes. Au rassemblement tenu au Congo démocratique, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.